Ta façon d'être, ta façon de me plaire, sûrement. Quand tu souris, le monde s'illumine. Ton regard doux est un éclat divin. Chaque geste, une caresse fine. Ton amour, un trésor sans fin. Ta façon d'être, un rayon de soleil, réchauffe les cœurs, dissipe le sommeil. Avec tendresse, tu fais des merveilles. Ton amour, un éternel éveil. Quand tu parles, ta voix est une mélodie. Chaque mot, une douce symphonie. Ton amour, une douce harmonie qui apaise les âmes et les ennuis. Ta façon d'être, un rayon de soleil, réchauffe les cœurs et dissipe le sommeil. Avec tendresse, tu fais des merveilles. Ton amour, un éternel éveil. Quand tu marches, c'est une danse légère. Chaque pas, une grâce sincère. Et ton amour, une lumière claire qui guide les cœurs et les éclaire. Ta façon d'être, un rayon du soleil. Réchauffe les cœurs, dissipe le sommeil. Avec tendresse, tu fais des merveilles. Et ton amour, un éternel éveil. Ta façon d'être, un rayon de soleil. Réchauffe les cœurs, dissipe le sommeil. Avec tendresse, tu fais des merveilles. Et ton amour, un éternel éveil. Quand tu ris, c'est une pluie d'étoiles. Chaque éclat, un bonheur sans voile. Ton amour, une douce toile qui peint la vie sans faille. Façon d'être, un rayon de soleil, réchauffe les cœurs, dissipe le sommeil. Avec tendresse, tu fais des merveilles. Ton amour, un éternel éveil. Quand tu rêves, c'est un monde magique. Chaque songe, un instant féerique. Ton amour, une force unique qui transforme la vie poétique. Ta façon d'être, ta façon de me plaire, un rayon de soleil réchauffe les cœurs, réchauffe mon cœur, dissipe le sommeil. Avec tendresse, tu fais des merveilles. Ton amour, un éternel éveil. Quand tu aimes, c'est un feu sacré. Chaque flamme, un cœur apaisé. Ton amour, un don partagé qui unit les âmes à jamais. Ta façon d'être, un rayon de soleil, réchauffe les cœurs, dissipe le sommeil. Avec tendresse, tu fais des merveilles. Ton amour, un éternel éveil. Un éternel éveil. Ta façon d'être, ta façon de me plaire. Thank you.